Cabinet du docteur Forrest. Bonjour madame, ce serait pour prendre rendez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de place, monsieur. Écoutez, je souffre terriblement de l'estomac. Je suis allée voir le pharmacien qui m'a donné des médicaments, mais la douleur ne passe pas. Bon, vous pouvez passer en fin de matinée ? Oui, à quelle heure ? Je ne peux pas vous donner d'heure précise, mais soyez là à 11h. Le docteur vous prendra entre deux consultations. Merci beaucoup. C'est à quel nom ? Zolkowski Étienne. Zolkowski. Zolkowski Étienne. C'est noté, monsieur Zolkowski. Merci, à tout à l'heure.